Les personnes vivant avec handicap, les garçons comme les filles, les hommes comme les femmes, tous ont les mêmes droits que les autres personnes. C'est un appel lancé par l'Union des personnes handicapées du Burundi, UPHB, en collaboration avec les autres organisations membres du consortium We Are Able. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Le président de la République très remonté contre les défaillances observées chez certains collaborateurs. Il l'a dit ce mardi 5 décembre lors de la célébration de la journée dédiée aux contribuables édition 2023. Des réactions des partis RANAC et UPRONA sur ces propos dans ce journal. Tous sont d'avis que le président de la République devrait se faire entourer par des gens capables, même s'ils viennent des partis politiques ou de la société civile. Et le Burundi dispose de moins de la moitié des 335 MW visés en 2027, date de fin du plan décennal de développement, ce qui, avec la faible connexion Internet au Burundi, compromet l'activité économique, a déploré ce mardi le président de la Chambre fédérale du commerce. Et dans la chronique sur les messages de haine, on parlera des discours de vengeance dans une société post-conflit. Voilà pour le sommaire. Le Sénat burundais a adopté ce mercredi les noms des candidats proposés pour faire partie de la nouvelle commission électorale nationale indépendante CENI. Ils sont au nombre de 7, à savoir Prosper Nahurwamiye, Victoire Nahimana, Bizumuremi Odette, Sylvestre Nyandwi, Bizimana François, Leonidas Ndairagije et Gabi Bugaga. La précédente CENI avait été mise en place le 31 août 2018 sous la présidence de Pierre Claver Kazihisse. Le président burundais estime qu'il manque de collaborateurs intègres au sein de l'exécutif. À l'occasion de la célébration de la journée dédiée aux contribuables édition 2023 au 5 décembre, Évariste Ndayishimiye a déploré en outre qu'il n'a pas de choix pour le remplacement des cadres qui le méritent, sauf que les nouvelles nominations deviennent pires que ces derniers. On l'écoute. Le ministère du Commerce ne nous facilite rien. Ministre, je te prie de prendre tout en main, car tu n'as plus de directeurs généraux compétents. On allait exporter les avocats si on aurait un directeur général compétent en charge du commerce extérieur. Mais aujourd'hui, combien en exportons-nous? Où puis-je trouver une bonne personne à placer dans cette position? Celle que je nomme aujourd'hui, par la remise et reprise, elle est héritière de mauvaises pratiques de la précédente. Ils ne peuvent plus dévoiler leurs secrets de défaillance. Mais pourquoi BBN peut se permettre d'interdire les importations à celui-ci pour autoriser celles de celui-là alors qu'elles sont de même qualité? Il y a même des tactiques pour que les marchandises restent dans les entrepôts du port. Ils disent à certains commerçants qu'il faut dédouaner et couler rapidement leurs produits au détriment des autres. N'est-ce pas que BBN bloque des importations? J'apprends tout ça auprès des agents de l'OBR qui se lamentent à se poser la question de savoir pourquoi on interdit ces importations pour autoriser celles-ci alors qu'elles sont de même qualité. À cela, les gens de l'OBR lèvent la main disant que BBN a déjà décidé sur l'affaire. Nous avons collecté les quantités autorisées pour les faire examiner dans des laboratoires extérieurs. Dis-moi, de quelle manière vais-je identifier de vrais Burundais à qui je pourrais faire confiance pour que si je m'endors aujourd'hui, je serai confiant qu'il y reste vigilant. La digitalisation est la seule solution à tout problème. Elle me permettra de tout suivre, dit grossiste au détaillant. Imaginez les agents de l'OBR à qui on dit qu'il faut écrire la matière première à la place des produits finis et il le fait sans hésitation. et le commerçant emballent ces produits et les mettent sur le marché. Comment vais-je savoir toutes ces magots? Ne dénoncez pas mes nominations. Comment puis-je savoir de bons collaborateurs? Si je tiens compte de mes connaissances, je risque d'établir mon système fondé sur le népotisme. Par là, je listerai un membre de ma famille, mon camarade de classe, mon ami du bistrot ou du restaurant, ou les connaissances de mes proches. Chacun me jouera le tour pour me présenter son ami. Nous souffrons une maladie de toujours blanchir nos amis. En réaction à ces propos, le président du parti Ranak demande au président de la République d'être le plus inclusif possible en identifiant les personnes compétentes à placer dans des postes stratégiques et techniques, aussi bien dans les partis politiques que dans les organisations de la société civile, même si le numéro 1 burundais déplore qu'il n'a plus de collaborateurs dignes. Aloïse Barichako fait remarquer qu'Evariste Ndayishimiye a toutes les prérogatives pour recruter des patriotes capables de mettre en application sa vision. On l'écoute. C'est vraiment étonnant d'entendre un président qui se lamente tout le temps alors qu'il a toutes les prérogatives. Il a toutes les possibilités de mener un pays là où il veut, selon sa vision. Il a toutes les possibilités. D'abord, de par la loi, il y a la constitution qui lui donne tout le pouvoir de nommer qui il veut dans la place qu'il faut. Il a le droit de démettre ou de placer n'importe quelle personne là où il veut. Il regarde seulement dans un seul sens, alors que l'œil du président doit regarder dans plusieurs sens. Il ne faut plus qu'il regarde uniquement au niveau du sein de FDD. Il faut qu'il place confiance aussi dans d'autres partis politiques, dans la société civile, dans d'autres activités telles que les gens qui font des consultances. Les ingénieurs qui ont des bureaux d'études sont des gens qui sont intelligents. De toute façon, les compétences au Burundi, il y en a. Et qui ont aussi la confiance du président, qui veulent aider le président à arriver à ses objectifs. Il faut éviter de regarder dans un seul sens. Mais il faut être divergent et chercher dans plusieurs secteurs déjà qui sont capables. Même avis du côté du président du parti Uprona qui trouve que les incompétents devraient quitter leur poste au profit des experts. Olivier Nkurunziza fait remarquer que le président Evariste Ndayishimiye vient de faire plus de 3 ans au pouvoir. Le président vient de passer à peu près 3 ans au pouvoir. Il a commencé par cette approche de conseiller. Alors, pour le moment, nous avons besoin des fruits des conseils donnés. Il a déjà analysé ses collaborateurs, quel que soit au niveau des différents ministères. En tout cas, il est capable de dire que celui-ci, il n'a pas atteint ses objectifs, soit qu'il est faible, qu'il a besoin de renforcement de capacités, ou soit que c'est par arrogance et qu'il est récalcitrant. Ces gens doivent être punis et chassés dans les fonctions, mais aussi peut-être on a besoin de l'expertise extérieure. Dans un pays, on a toujours besoin des experts. Il faut quand même chercher ailleurs. Au Burundi, dans les différentes couches de la population burundaise, il y a des experts, il y a des hommes compétents. Alors il faut que le président de la République cherche parmi les Burundais, sans toutefois tenir de leur provenance politique, de leur provenance ethnique, mais plutôt de voir que ces hommes sont compétents pour qu'effectivement le président de la République atteigne ses objectifs. Il a promis aux Burundais qu'il a besoin que tout Burundais et de l'argent dans la poche, mais aussi qu'il y ait de la nourriture dans chaque bouche. Mais aujourd'hui, à 3 ans, ce que nous avons besoin, c'est de concrètement que le président de la République continue à travailler sans toutefois hésiter de chasser ceux qui sont incapables, parce que l'incompétence ou la médiocrité ne pouvait en aucun cas aider le pays à se développer. Olivier Nkurunziza, président du parti Uprona. Les sénateurs burundais ont adopté le rapport définitif d'évaluation du système de quotas ethniques dans l'exécutif, le législatif et le judiciaire, conformément à l'article 289 de la Constitution de la République du Burundi. La commission spéciale qui avait été nommée pour cela constate que la majorité de la population interrogée souhaite le maintien de ce système. Gérard Nibigila. En lisant le rapport définitif de la commission spéciale chargée d'appuyer le travail du Sénat, d'évaluer afin de mettre fin ou prolonger le système des quotas ethniques dans l'exécutif, le législatif et le judiciaire, l'honorable Jean Bosco Barutuanayo, membre, a précisé que cette commission est pour le maintien de ces quotas dans ces institutions et dans la constitution nationale. Il a en outre indiqué que certaines gens qui se sont entretenus avec les sénateurs et qui ne voulait pas le maintien de ces quotas avance des raisons comme quoi ces quotas favorisent la nomination des incompétents dans différents postes et la paresse des gens à recruter sa mérite et qui n'ont pas d'esprit patriotique. C'est aussi le renforcement des enseignements divisionnistes hérités de la colonisation et comme la constitution du Burundi donne la première place à Dieu Tout-Puissant, il serait inconcevable de revenir sur la dimension ethnique du moment que tous les hommes sont égaux devant Dieu, a-t-il cité. Il a ensuite dit que les Burundais qui se sont entretenus avec les sénateurs et qui prônent pour le maintien de ces quotas ethniques expliquent que ces quotas ont beaucoup contribué dans le rapprochement de la population burundaise, même si beaucoup reste à faire, notamment le retour des déplacés internes à leur colline d'origine. Il a continué en faisant savoir que cette catégorie de Burundais ont signalé que le concept d'ethnie au Burundi prendra fin quand il y aura un régime juste et équitable pour tous. Aussi, le travail de la Commission Vérité et Réconciliation CVR et celui de la Commission Nationale Terre et Autres Biens CNTB ne sont pas encore conclus. Cela étant, le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, a admis l'adoption de ce rapport tout en reconnaissant que les Baganois ne sont pas reconnus comme quatrième ethnie burundaise à côté de celle des Hutus, des Tutsis et Twa. C'était lors de la séance plénière ordinaire du Sénat de ce mercredi dans la capitale politique Gitega. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Vous voudrez bien nous excuser pour ce petit manquement dans le nettoyage de cet élément. Nous venons de le joindre tout à l'heure. Le Burundi dispose de 106 MW alors que l'objectif visé en 2027 date de la fin du plan décennal de développement et de 335 MW. De plus, la qualité de la connexion Internet influe négativement sur les activités des opérateurs économiques et investisseurs en matière de paiement des impôts et taxes, a déploré Olivier Suguru, président de la Chambre fédérale du commerce et d'industrie du Burundi, CFCIB. C'était lors de la célébration ce mardi de la 8e édition de la journée du contribuable. Et sur la problématique de l'Internet, le président burundais a déclaré qu'il mène des contacts pour diminuer le prix, bien qu'il y ait des saboteurs. Mireille Kanyang. Les investisseurs et industriels au Burundi font encore face à de nombreux défis, dont le manque de l'énergie de qualité et une mauvaise qualité de la connexion Internet à l'heure de la digitalisation. Olivier Suguru, président de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, CFCIB, a indiqué ce mardi, lors de la célébration de la journée du contribuable 8e édition, qu'actuellement, seuls 106 MW sont disponibles sur un objectif de 335 MW. En 2027, l'année à laquelle va prendre fin le plan décennal de développement. Des coupures intempestives du courant de la régie des eaux sont suivies de la coupure de la connexion Internet. Des fois, des quartiers passent deux jours sans courant. Ceci veut dire qu'un industriel opérant dans ces localités ne parvient pas à payer l'impôt spontané au 15 du mois. Nous enregistrons beaucoup de défis. Actuellement, nous avons 106 MW. En 2027, on devrait avoir 335 MW, c'est le 22% des Burundais ont le courant électrique, y compris le courant provenant de l'énergie solaire. En cette même année, l'objectif est que les Burundais aient le courant électrique, soit de 44%. S'il est disponible, ça faciliterait les investisseurs. En réponse à la préoccupation de la connexion Internet, le président burundais se veut rassurant. Il est en contact avec des sociétés utilisant des satellites. Pour la question d'Internet, nous sommes en train de chercher comment le rendre moins cher, parce que c'est cher. Il y a ceux qui nous ont fourni la fibre optique. On est en train de chercher ceux qui en ont fourni d'autres. Qu'on nous donne la fibre optique moins chère. on est avancé, je pense. Si les autres ne malmènent pas le projet, on aura une fibre optique directe dont le coût diminuera jusqu'à plus de 90%. Ça, c'est un. Autre chose, vous voyez qu'on va passer à l'utilisation d'électronique. Tu peux avoir le téléphone dans des coins où la fibre n'arrive pas. Nous cherchons une autre société avec satellite. Mais dès que nous avons rencontré SpaceX, il y a eu des gens qui se sont inscrits contre. Ils perçoivent cela comme une solution à leur sale besogne. Je leur ai dit que je veux les deux versions. Quant aux inquiétudes de la CFCIB sur l'énergie de qualité, le numéro 1 burundais appelle les investisseurs et industriels à mettre ensemble leurs efforts et ériger des micro-barrages. Mireille Kanyang. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Célébration ce mercredi au niveau national de la journée mondiale dédiée à la lutte contre le sida, habituellement célébrée le 1er décembre chaque année. Les festivités ont eu lieu dans la province de Ruyigi en présence de la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye. Elle a appelé tous les Burundais, surtout les leaders, à conjuguer leurs efforts pour lutter contre toutes les sources potentielles de nouvelles infections. Jean-Claude Chimiriman. L'infection au VIH-Sida s'observe encore au Burundi, y compris la transmission mère-enfant. La première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, qui le dit, précise que c'est regrettable, puisque selon elle, la transmission mère-enfant du VIH-Sida pouvait être prévenue lors des consultations prénatales et précoces. En outre, Angeline Ndayishimiye fait savoir que c'est regrettable qu'il y ait encore des comportements qui favorisent la propagation du VIH-Sida qui s'observe surtout chez les jeunes. Dans l'objectif d'atteindre un Burundi sans infection au VIH-Sida, la première dame du Burundi invite tous les Burundais à conjuguer leurs efforts pour lutter contre tous les comportements qui favorisent la débauche. Ici, elle cite notamment l'oisiveté, l'alcoolisme, la prise de stupéfiants et le viol des femmes et des filles. Angeline Ndayishimiye appelle en outre aux responsables dans tous les secteurs de la vie du pays, aux élus du peuple et aux professionnels de la santé à poursuivre la sensibilisation pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui naissent avec le VIH-Sida. Elle saisit cette occasion pour prodiguer conseil aux gens qui stigmatisent les personnes vivant avec le VIH-Sida. Elle saisit l'occasion pour prodiguer conseil aux gens qui stigmatisent les personnes vivant avec le VIH-Sida. Angeline Ndayishimiye dit que ce sont des personnes comme tant d'autres, elles ont besoin de vivre et de travailler dans la tranquillité. Vous saurez que la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, a dit cela ce mercredi dans la ville de Ruyigi lors des cérémonies de célébration au niveau national de la journée mondiale dédiée à la lutte contre le sida. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. 1760 tonnes de coton, telle est la production cotonnière obtenue pour la campagne agricole 2022-2023. Cela a été dit ce mercredi par le directeur général de la compagnie de gérance du coton. C'était lors d'une conférence de presse. Gustave Majambere espère que toute cette production pourra augmenter la saison prochaine, 2023-2024, en raison de l'extension de la superficie cotonnière qui est passée de 3100 à 5500 hectares. On l'écoute. La campagne 2022-2023 avait commencé avec des prévisions de superficie cotonnière à 3500, mais le semis était fait sur 3200 hectares. Suite aux inondations survenues dans quelques localités, nous avons finalement eu une superficie productive de 3100 hectares. Sur cette superficie, nous avons pu produire 1760 tonnes de coton graines sur une prévision de 1800. Et cette production que nous avons eue de coton graines nous a donné, après usinage, 700 tonnes de coton fibre. Globalement, ce n'est pas satisfaisant, en ce sens que nous n'avons pas encore atteint le niveau de la demande de l'industrie textile locale, qui se varie entre 1500 tonnes et 2000, mais quand même, nous nous sommes satisfaits parce que nous avons fait un pas comparativement à la production que nous avons reçue la campagne précédente, qui était de 260 tonnes de coton fibre. Par l'état des préparatifs, de la campagne 2023-2024. Cette campagne a commencé avec des prévisions de superficie à embraver à la de 5500 hectares où nous escomptons réaliser une production avoisinant 3000 de coton graines qui pourra donner 1300 tonnes de coton fibre. Nous voudrions saisir de cette conférence pour porter connaissance à l'opinion en général, mais aux cotoculteurs en particulier, que la campagne de semi-coton a commencé. Parle, rassure-moi. Les discours ou langage de conflit dans une société post-conflit sont produits dans le souci de recherche de la justice par des gens ayant vécu des moments douloureux dans le passé. L'expert en résolution des conflits, Pascal Nakerutimana, donne l'exemple des Hutus et des Tutsis au Burundi. Il les interpelle à ne pas se laisser emporter par des émotions afin d'éviter de créer des conflits pouvant conduire à des tueries de masse. On est là, mucho. La vengeance, c'est un acte d'origine émotionnelle, justifié par la frustration ou relation naturelle qui se manifeste après un événement traumatisant. L'expert en transformation et résolution pacifique des conflits, Pascal Nakilutimana, indique qu'au Burundi, cela s'observe surtout entre deux groupes ethniques, Hutu et Tutsi, et comme conséquence, ça remet en cause la volonté de vivre ensemble. Ce discours de vengeance compromet le vivre ensemble. Bien évidemment, selon le principe de réciprocité et de solidarité, le discours de vengeance devient en fait comme un système de régulation des conflits et au finish, ça va déboucher sur les violences de masse. Selon lui, l'État a le premier rôle de contrecarrer ce genre de discours à travers la justice transitionnelle indépendante. C'est le gouvernement qui doit mettre ensemble cette justice transitionnelle efficace et indépendante. Mais aussi ces mécanismes ou ces cadres de débat et de dialogue pour essayer justement d'amener la population à surmonter leurs émotions, leurs désirs, leurs traumatismes historiques. Il faut initier des cadres de débat et de dialogue pour mener la population justement à surmonter leurs émotions et leurs désirs de vengeance. Alors, il faut essayer ou initier des travaux qui vous permettent de faire sortir la colère que vous avez. Notamment faire des activités sportives pour essayer de surmonter ces émotions négatives. Essayer aussi d'écouter, par exemple, des chansons rassurantes, des musiques adaptées à vos sentiments. Autre piste de solution proposée par cet expert en résolution pacifique des conflits est d'essayer de maîtriser ou gérer ses émotions. Il faut essayer de comprendre et de contrôler les émotions de base. Parce que si le groupe reconnaît que c'est tel groupe qui a commis le tort, il faut essayer de comprendre, d'aller au-delà de vos émotions de base. Aussi, il faut essayer d'écrire ce que vous ressentez, en mettant vos sentiments par écrit, donc vous arrivez à les accepter et à les clarifier. Et si vous n'êtes pas à mesure d'écrire, il faut essayer d'en discuter avec les autres, avec les amis. Et comme ça, ça va vers le soulagement. Selon différents experts en résolution pacifique des conflits, les discours attisant la haine contribuent au conflit et à la violence de masse. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimane.